Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 82. De l'appétit rationnel ou de la volonté? Que la volonté est nécessité à l'égard du bonheur, mais non par rapport au bien particulier. Comparaison de la volonté et de l'intelligence. Action de la volonté sur l'intelligence. Et réciproquement, pourquoi la volonté ne se divise pas en faculté irascible et en faculté concupiscible? 1. La volonté désire-t-elle quelque chose par nécessité? Il y a quelque chose que la volonté désire nécessairement, c'est le bonheur. Tous les hommes, dit saint Augustin, veulent le bonheur d'une volonté uniforme. Si le désir du bonheur n'était que contingent, il y aurait au moins quelques individus qui ne le rechercheraient pas. Il n'est pas contraire au volontaire, remarquons-le bien, que la volonté veuille nécessairement ce qui est propre à son inclination et à sa nature, à savoir la fin dernière ou la béatitude. Il y a même une nécessité pour elle de s'y attacher, car la fin étant pour les œuvres ce que les principes sont dans les théories, ce qui convient naturellement et d'une manière invariable à une puissance doit servir de fondement à tout le reste. Note. Mais, dira quelqu'un, avec ces notions, que deviendra notre liberté? Ne sommes-nous pas maîtres de nos actes? Oui, en ce sens que nous pouvons choisir une chose ou une autre. Mais l'élection, comme le dit le philosophe, portant sur les moyens qui conduisent à la fin, et non sur la fin elle-même, le désir de la fin dernière n'est pas une propension dont nous soyons les maîtres. Nous la désirons nécessairement par là même que nous voulons être heureux. Il y a une grande différence entre la volonté et le libre arbitre. Il suffit, pour qu'une action soit volontaire, qu'elle soit exempte de coaction et conforme à l'inclination de la volonté. Fin de la note. 2. La volonté veut-elle nécessairement tout ce qu'elle veut? Il est notoire que tout ce que veut la volonté, elle ne le veut pas nécessairement. Le péché et la vertu sont une preuve qu'elle peut se porter vers des objets opposés. Elle veut nécessairement la fin dernière, comme l'intellect veut nécessairement les premiers principes, rien de plus vrai. Mais il y a assurément des biens particuliers sans lesquels l'homme peut être heureux, des biens qui n'ont pas une connexion nécessaire avec la béatitude, comme il est certaines conséquences qui ne découlent pas évidemment des premiers principes, ce sont ces biens particuliers que la volonté ne veut pas nécessairement. Lorsqu'un jour nous verrons Dieu, notre volonté s'attachera à lui aussi nécessairement qu'elle s'attache au bonheur maintenant. Mais, en attendant que la vision céleste nous montre avec une pleine évidence que Dieu est le vrai bonheur, nous ne nous attachons nécessairement ni à lui, ni aux choses divines. Ainsi la volonté ne veut pas nécessairement tout ce qu'elle veut. Note. La raison, pouvant comparer plusieurs objets, peut aussi, par conséquent, agir diversement sur la volonté. Voilà pourquoi celle-ci ne s'attache pas de nécessité à un seul objet. Fin de la note. 3. La volonté est-elle une puissance plus élevée que l'intelligence? La volonté n'est pas une faculté supérieure à l'intelligence, si l'on considère ces deux puissances en elles-mêmes, car l'objet de l'intelligence est plus simple et plus absolu que celui de la volonté. Mais, cependant, la volonté l'emporte sur l'intelligence, lorsque l'objet où se trouve le bien est plus élevé que l'intelligence et que l'âme elle-même. C'est ainsi que l'amour de Dieu est supérieur à la connaissance de Dieu. L'inverse a lieu quand l'objet est inférieur à l'âme, à l'égard des choses matérielles, la connaissance vaut mieux que l'amour. 4. La volonté meut-elle l'intelligence? Nous avons le pouvoir, dit saint Jean Damascène, d'apprendre ou de ne pas apprendre un art. Il y a donc en nous des connaissances qui n'y sont que par l'effet de notre volonté, quoique nous n'apprenions que par l'intelligence. Une chose en meut une autre par le moyen d'une fin qui détermine l'agent, et de cette sorte c'est l'intelligence qui meut la volonté, parce que le bien perçu par elle est l'objet même de la volonté. Mais une chose en meut aussi une autre comme agent, à la manière du moteur qui donne le mouvement, de cette façon, la volonté meut l'intelligence et toutes les autres puissances de l'âme. Elle est semblable à un roi qui, se proposant le bien général, fait mouvoir tous les magistrats dans les différentes villes de son royaume. Son objet étant, en effet, le bien général, tandis que chaque faculté se propose un bien particulier, elle meut toutes les puissances de l'âme vers leurs actes propres, à l'exception des puissances végétatives, qui ne lui sont pas soumises. 5. Y a-t-il dans l'appétit supérieur, qui est la volonté, un appétit concupiscible et un appétit irascible? La volonté réside dans la partie raisonnable de notre âme, au lieu que le concupiscible et l'irascible existent dans la partie non raisonnable. D'un autre côté, la volonté a pour objet le bien en général, et toute puissance qui se propose un objet sous sa notion générale ne doit pas être divisée pour quelque différence particulière comprise sous cette idée. La vue, par exemple, ne se divise pas en autant de facultés visuelles qu'il y a de couleurs, parce qu'elle a pour objet les choses visibles, sous l'idée générale de couleur. L'intelligence ne se divise pas non plus en plusieurs puissances de perception, bien que, dans la partie sensitive, ces puissances soient réellement multiples. Pour ces raisons, la volonté n'a pas, comme l'appétit sensitif, l'irascible et le concupiscible. Note. Les mots amour, concupiscence, désir, et autres semblables, peuvent être pris en deux sens, ils expriment ordinairement des passions réelles qui se produisent avec une certaine surexcitation de l'âme, et ces passions résident alors dans l'appétit inférieur. D'autres fois ils désignent une simple affection de l'âme sans passion et sans surexcitation. Ce sont alors des actes de la volonté, qu'on peut attribuer aux anges et à Dieu. Dans ce dernier sens, ils appartiennent à la volonté elle-même, et non à des puissances diverses. C'est ainsi que l'on parle de la concupiscence ou désir de la sagesse, de l'amour de la vertu et de la haine du vice. On dira même que la charité est dans la puissance concupiscible, et l'espérance dans la puissance irascible, pour marquer que ces vertus se trouvent dans la volonté, selon qu'elle s'applique à des actes divers. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.